La Roselière par André Theuriet. Chapitre 1er. C'était à l'époque de mes débuts administratifs. J'assistais en qualité de secrétaire à la location des chasses dans les forêts domaniales de la Haute-Marne. Au fond de la salle des adjudications, sur une estrade et devant une table jonchée de paperasses, siégeaient les membres du bureau, sous la présidence d'un conseiller de préfecture. Un garde général lisait le cahier des charges. Quant à moi, mes modestes fonctions consistaient à remplir les blancs du procès-verbal. La foule des amateurs était tassée au-dessous de nous dans la portion de la salle réservée au public. Paysans en blouse, gentilshommes aux toilettes démodées, maîtres de forge à la mine cossue, propriétaires engoncés dans leur redingote, tous le cou tendu, l'oreille aux écoutes et se surveillant du coin de l'œil. Quand on commença d'adjuger les lots au rabais, l'agitation devint plus intense. Les yeux s'allumaient, les lèvres se pinçaient, les doigts nerveux crayonnaient à la hâte des calculs sur un carnet. À un certain moment, où le conservateur des forêts annonçait la mise en adjudication de 3 hectares de bois en val des fraises, je vis la porte du fond s'entrebâiller discrètement. « À 500 francs !» criait le garde général. « 450 !»« 400 !» Brusquement, la porte s'entr'ouvrit davantage, une tête crépue, allée, énergique, se montra, et une voix sonore s'exclama « Je prends !» Tandis que les amateurs désappointés jetaient un regard furieux vers ce concurrent inattendu qui venait si sournoisement de leur couper l'herbe sous le pied. « Le nom de l'adjudicataire ?» demanda le président. « Comte de Nonsard-Cressol !» répondit le nouveau venu en s'acheminant vers l'estrade pour signer le procès-verbal. Je regardais avec stupéfaction le porteur de ce nom historique qui datait des croisades. C'était un grand diable en blouse déteinte. Des houseaux de toile bise emprisonnaient ses jambes maigres et un carnier de cuir pendait à ses robustes épaules. En dépit de son piètre équipage, il avait grand air, les cheveux drus sur un front hautain un peu fuyant, les yeux gris émerillonnés, jetant droit devant eux un regard altier, le nez long et fin, la moustache en brosse ombrageant une lèvre dédaigneuse et ironique. « Vous êtes bien, monsieur de Nonsard-Cressol ? » dit le receveur des domaines, un peu interloqué par l'étrange tournure de l'adjudicataire. « Cela vous étonne peut-être ?» répliqua l'autre d'un ton sarcastique. « Si vous avez des doutes, renseignez-vous près de monsieur le conservateur. Il me connaît bien, lui. »« Parfaitement, » affirma le forestier. D'une écriture gauche et lourde, le singulier comte signa, avec force éclaboussure, le procès-verbal que je lui présentais. Puis, il rejeta la plume, tourna les talons et se perdit dans la foule, me laissant ébaubi de son nom aristocratique, de sa mine dépenaillée et de sa fière tournure. Pendant ce temps, le conservateur chuchotait. « Oui, messieurs, c'est un nom sacré sol authentique. Son arrière-grand-père possédait les terres d'Après, Musso et de Santenois. Son aïeul ayant émigré en 1791, les biens furent confisqués et vendus, et lorsque les Nonsards revinrent à la Restauration, il ne leur restait pas un radis. Louis XVIII donna sur le milliard des émigrés 200 000 francs au père de notre homme, qui s'établit à la Roselière, et fit un sot mariage. Bon chien, chasse de race. Celui que vous venez de voir est un sauvage qui mange son blé en herbe, et vit de pair à compagnon avec les pires coureurs de bois. En ce moment, il achève de se ruiner avec une coquine qui est devenue sa maîtresse et sa gouvernante. Chapitre 2e. 5 ans plus tard, les hasards de la vie administrative m'avaient amené dans la Haute-Marne, à Vivet, le canton le plus boisé du département. Une après-midi de janvier, je revenais de Grancey, où j'avais passé 24 heures chez un collègue. Dans l'intervalle, il avait neigé suffisamment pour saupoudrer le sol d'une de ces minces couches blanches que les gens du pays appellent une sucrée de neige. Et pour changer la physionomie des friches et des clairières avec lesquelles j'étais peu familier. À un certain carrefour, je pris 3 pas gauche et je m'aperçus, tardivement, que je m'étais fourvoyé. Je me trouvais dans un chemin creux, sur les talus duquel les tiges d'herbes séchées frissonnaient sous le givre. À droite et à gauche, les silhouettes noueuses des arbres de bordure se détachaient sur un ciel gris et bas. Aucun bruit, sauf celui que faisaient mes pieds en glissant dans la neige craquante des ornières, partout une solitude morne. En janvier, la nuit vient vite et je songeais à la désagréable perspective de tâtonner dans l'obscurité à travers ces bois inconnus. Je pris le parti de marcher droit devant moi, jusqu'à ce que je découvrisse un clocher de village ou le toit d'une ferme. J'allais à grandes enjambées, prêtant l'oreille et écarquillant les yeux. Mais rien, pas un bruit de cognée, pas un point de repère pour m'orienter. Cependant, le jour s'embrunissait. Le sentier dévala brusquement, et je me trouvai bientôt au fond d'une combe où sourdait un ruisseau, qui, s'élargissant peu à peu, formait une sorte de petit étang enceinturé de roseaux. Sur cette nappe d'eau, le ciel du soir se reflétait avec de pâles teintes orangées. Tandis que je me demandais si je n'agirais pas sagement en suivant le cours du ruisseau, j'entendis un froissement de branches dans le taillis, et à la lueur du crépuscule, je distinguais un paysan en blouse, le carnier au dos, qui émergeait des cépés et traversait la combe. « Hop !» criai-je. L'homme s'arrêta, parut me dévisager avec méfiance, puis se décida à tirer de mon côté. « Mon brave, » dis-je quand il fut à portée, « j'ai perdu mon chemin, où suis-je ici ?» Mon interpellation familière fit faire un haut-le-corps au personnage, et d'une voix coupante, il me répondit sèchement, « Vous êtes à la Roselière. » La Roselière ? Ce nom ne m'était pas inconnu, non plus que cette voix sonore et hautaine. Et tout à coup, le souvenir du singulier adjudicataire que j'avais remarqué jadis à la location des chasses me revint nettement. Malgré l'obscurité commençante et le feutre rabattu en cloche sur le front, à mesure que j'examinais ce paysan en blouse, je retrouvais le regard résolu, le nez long et fin, la moustache en brosse et la bouche dédaigneuse qui m'avait frappé autrefois. Seulement l'homme avait vieilli et sa moustache grisonnait. « Pardon, » repris-je en soulevant mon chapeau, « n'est-ce pas monsieur de Nonsard-Cressol que j'ai l'honneur de parler ?»« Parfaitement, monsieur, » répliqua-t-il d'un ton rogue. « Vous me connaissez donc ?» Je lui rappelai dans quelles circonstances je l'avais vu, puis revenant à mes premières préoccupations, je lui demandai si j'étais encore loin de Vivet. Il me répondit d'abord par un sifflement ironique. « Vous en êtes à 3 lieues, et vous n'y arriverez qu'à la nuit serrée, en supposant que vous teniez bien votre chemin, ce qui est douteux. N'y a-t-il pas près d'ici un village où je pourrais coucher ?»« Il y a 100 noix, à 1 lieue, mais l'auberge est un ignoble cabaret. » Il parut réfléchir un instant, puis, me tapant sur l'épaule, « Vous avez une figure qui me revient. Faites-moi le plaisir de venir chez moi. La Roselière est à une portée de fusil. Vous y souperez mal et vous aurez un lit dur, mais ça vaudra mieux que le cabaret. »« Merci, monsieur, » murmurai-je. « Merci, oui, hein ?» « Allons, en route. » Chapitre 3e. Nous enfilâmes sur la droite un chemin bordé de tilleuls. 10 minutes après, nous débouchions en face d'une maison de paysans, passablement délabrée, couverte en lave et flanquée d'un pigeonnier. En arrière, un jardinet et un bout de pré descendant jusqu'au ruisseau dont on entendait le glouglou dans l'ombre. « Voici Lousteau, » dit ironiquement M. de Nonsard-Cressol. « Ça n'est pas riche. » On y reçut de bon cœur. Il me précéda dans un couloir obscur qui séparait l'étable de l'habitation et, ouvrant une porte, m'introduisit dans une grande pièce éclairée par le brasillement d'une cheminée où flambaient des ramilles. « C'est-y vous, monsieur de Nonsard ?» grogna une femme accroupie devant l'âtre où le plat du souper cuisait dans la coquelle. Aux fumées qui s'échappaient du couvercle entr'ouvert, on subodorait un civet de lièvre. « C'est moi, reine, et je t'amène un convive. » « Allume la lampe. » Reine obéit, tout en continuant de ronchonner. À la clarté du lumignon, je vis une femme de 40 ans environ, brune, maigre, avec des sourcils rejoints et de petits yeux perçants. Je pus en même temps constater que la pièce où je me trouvais servait à la fois de cuisine, de réfectoire et de chambre à coucher, car dans une encoignure, une alcôve à rideaux de cotonnade rouge laissait apercevoir un lit garni. Sur la table massive, la nappe était mise et reine, sans doute la servante maîtresse dont j'avais ouï parler jadis, y déposa la lampe. « Tiens, » dit M. de Nonsard, en se débarrassant de son carnier, d'où il tira 2 canards sauvages, « mets ça dans le garde-manger. Ajoute un couvert, et vivement. Monsieur doit avoir appétit, et moi je tombe de faim. » Il me fit asseoir, et tandis que la reine apportait la soupière, mon hôte tourna la tête et parut chercher quelqu'un des yeux. Je m'aperçus alors qu'il y avait en face de moi 1/4 couvert. « Eh bien ?» demanda brusquement M. de Nonsard. « Et Désiré ?»« Me voici !» répondit une jolie voix claire qui semblait venir du couloir. En effet, la porte entrebâillée livra passage à une jeune fille de 18 ans qui entra une lanterne à la main. « Où étais-tu donc ?» reprit mon hôte d'une voix singulièrement radoucie. « Je l'avais envoyé traire la vache, » murmura Rennes. Monsieur de Nonsard fronça les sourcils et darda sur sa gouvernante un regard irrité. « Sacre Dieu, je te l'avais pourtant défendu. Ce n'est pas la besogne de cet enfant-là. »« Oui, » grommela Rennes en dressant le civet, « on sait que c'est une duchesse. » « Duchesse ou non, je ne veux pas qu'elle traie la vache. La Zénobie est méchante, et Désiré risque d'attraper un coup de corne. »« Mieux vaut que ce soit moi, n'est-ce pas, donc ?» riposta sarcastiquement la servante. « Assez, viens, ma gâchette, assieds-toi près de moi et mange ta soupe. » En même temps, il prenait dans ses deux mains la tête de la jeune fille et lui baisait le front. Tandis que sa caresse se prolongeait d'une façon quasi amoureuse, Rennes, derrière lui, ricanait, haussait les épaules, et je surpris un regard haineux, lancé en dessous à l'adresse de Désiré, qui, après s'être laissé mignoter avec une moue d'enfant gâté, s'était assise en face de moi. J'avais plaisir à reposer mes yeux sur cette fillette aux fins cheveux châtains crêplés, mince, svelte, à peine formée, avec des prunelles bleues un peu mystérieuses, son nez retroussé aux narines mobiles, sa bouche boudeuse, elle avait la grâce et la pâle rosée d'une anémone sauvage. « C'est la fille d'un vieux camarade, » me dit M. de Nonsard en manière d'explication. « Son père s'est tué en ébranchant un arbre, et elle n'a plus de famille. Je l'ai prise chez nous, où sa mignonne frimousse met un peu de gaieté et me rajeunit. » Nouveau haussement d'épaule de Rennes, qui manifesta sa mauvaise humeur en posant violemment le civet sur la table. Après quoi, elle nous tourna le dos et alla s'accroupir sous la cheminée. « Rennes, » cria M. de Nonsard, « tu ne m'as pas soupé. Merci, je n'ai pas faim. » « Tu boudes contre ton ventre, à ton aise ?» Il eut un silence gênant. Je commence à deviner un drame domestique entre l'ancienne maîtresse, qui se voyait peu à peu supplantée, et cette jeunesse, qui prenait chaque jour plus d'empire sur le maître vieillissant. Pour rompre les chiens, je dis en dégustant ma part de lièvre, « Voilà un civet exquis. Je vois que vous êtes toujours chasseur, monsieur de Nonsard. » « Oui, » répondit-il avec une nuance de mélancolie. « Seulement, je ne suis plus locataire de la chasse. Les temps sont durs et ma bourse est à sec. Bon, ça ne m'empêche pas d'attraper de temps en temps du gibier à la barbe des gardes. Ils ont beau m'espionner, je me fiche d'eux et je leur rafle leurs plus belles pièces. Si vous venez me revoir en février, je vous ferai manger du chevreuil. J'en connais un que je pincerai un de ces jours. C'est vous qui serez pincé une belle nuit, monsieur de Nonsard, » gromme la reine qui s'est élevée pour desservir. Et donnez-vous de garde, et méfiez-vous. » Tout en parlant entre ses dents, elle coulait vers lui un méchant regard oblique plein de menaces. « Allons-nous coucher, » interrompit mon hôte en allumant une lanterne. Une demi-heure après, je m'endormais doucement en songeant à la jolie figure de Désiré et en me demandant si elle partageait déjà avec son maître le grand lit à alcôve, dressé au fond de la cuisine. Le lendemain, au petit jour, je fus réveillé par M. de Nonsard. « Bon voyage, » me dit-il. « Désolé de ne pouvoir vous accompagner ce matin, mais il faut que je sois de bonne heure dans les bois de la faille. Désiré, qui va porter le lait aux gens du courroie, fera un bout de route avec vous et vous remettra dans votre chemin. » Je le remerciai chaudement et nous prîmes congé. Une fois habillé, je gagnai la cuisine. Rennes avait disparu et Désiré m'attendait, sa cruche de fer-blanc à la main. Elle avait noué un fanchon sur sa tête, un châle de laine tricoté sous lequel, à travers des mèches frissonnantes, ses yeux fleurissaient comme de bluets. Quelques minutes après, nous cheminions silencieusement sur le chemin saupoudré de neige. « Monsieur de Nonsard est un excellent homme, » dis-je, pour entamer la conversation, « et vous devez vous plaire à la roselière. » Elle plissa ses lèvres boudeuses et me coula un de ses mystérieux regards. « Où la chèvre est attachée, il faut bien qu'elle broute, » répondit-elle évasivement. Elle regarda le soleil qui, à peine levé, se noyait déjà dans de gros nuages plombés. « Le soleil est blanc, » murmura-t-elle, « il neigera encore. » Elle roulait machinalement ses doigts dans les bouts de son tricot de laine. « Est-ce que vous êtes de Vivet, vous, monsieur ? » demanda-t-elle brusquement. « Non, mais j'y demeure depuis 2 mois. Et où étiez-vous avant ? » « À Paris. » « Je m'en doutais. » « Ah, Paris, voilà un endroit où je voudrais aller, » soupira-t-elle. « C'est-il loin, dites, monsieur ?»« Assez loin. Et puis, ma chère enfant, la vie y est dure, plus dure qu'à la Roselière. » Un sourire incrédule retroussa le coin de ses lèvres. « La Roselière, ce n'est pas gai tous les jours non plus, allez. Monsieur de Nonsard vieillit, il devient bougon, et la reine est une méchante gale. Si vous entendiez parler d'une place à Paris, » ajouta-t-elle avec son énigmatique regard câlin, « je me recommande à vous. Voici votre chemin. En appuyant toujours vers la droite, vous gagnerez bientôt la plaine de Vivet. Au revoir donc, monsieur. » Je lui mis une pièce blanche de la main en la serrant. Elle me regarda de nouveau sans parler, de son air de sphinx souriant, puis me tourna le dos et disparut dans le taillis. Je regagnai lentement Vivet en me disant qu'entre sa gouvernante jalouse et cette ingrate fillette, qui avait le goût des aventures, le pauvre monsieur de Nonsacressol n'était pas au bout de ses peines. Chapitre 4e. L'automne suivant, comme après 2 mois de congé, je retraversai les bois de Santenoy en compagnie du brigadier forestier. Je lui demandai des nouvelles de monsieur de Nonsard. « Quoi ? Vous ne savez rien ? » répliqua-t-il. « Le pauvre bougre a été pris, tendant des collets, par mon collègue Brûlant, un matin qui ne plaisante pas. Et comme le délinquant faisait rébellion, Brûlant lui envoyait un coup de fusil dans le ventre. Monsieur de Nonsard a eu la force de se traîner jusqu'à la Roselière, où il est mort. Mais le plus vilain de l'affaire, monsieur, c'est que c'était la reine, sa servante, qui l'avait dénoncé à Brûlant. Et Désirée, sa fille adoptive ? » Le brigadier eut un rire silencieux. « Sa fille, Enfin, comme vous voudrez. » Eh bien, le lendemain, elle a déguerpi. Elle avait été à une fichue école. Paraîtrait qu'elle a mal tourné. Ainsi s'achève La Roselière par André Theuriet.